إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc on continue l'explication du livre intitulé أحكام مناسك الحج والعمرة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. On a parlé le dernier cours des trois formes du pèlerinage que le musulman peut accomplir. On avait dit donc Atamattu' wal-ifrad wal-qiran. Atamattu' wal-ifrad wal-qiran. Et on avait expliqué ce qu'étaient ces trois formes de pèlerinage. Et que le musulman avait le choix entre ces trois. Comme nous l'a rappelé Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. فهو مخير بين ثلاثة أنواع. C'est-à-dire donc qu'il a le choix entre trois formes ou trois catégories de pèlerinage, mais ici qui sont donc des formes. Ensuite, le shir va nous parler quelle est la meilleure de ces trois formes de pèlerinage. Il va nous dire في الأفضل من ذلك. C'est-à-dire donc quel est le meilleur dans ce qui a précédé de ces trois formes qui ont été énumérées. Il va nous dire le shir, فالتحقيق في ذلك أنه يتنوع باختلاف حال الحج. C'est-à-dire donc que cela va dépendre de la situation du pèlerin. Il va donc nous donner l'explication. فإن كان يسافر سفرة للعمرة وللحج سفرة أخرى أو يسافر إلى مكة قبل أشهر الحج ويعتمر ويقيم بها حتى يحج فهذا الإفراد له أفضل. Donc le premier cas, c'est une personne qui est donc voyageur, donc il va voyager. Son premier voyage, ça va être pour la Umrah, safratan lil Umrah. Ensuite, le deuxième voyage, ce sera lil Hajj, safratan ukhra. C'est-à-dire donc il va d'abord venir à Mecca, donc faire un voyage pour faire une Umrah. Taïb. Et ensuite il va repartir. Et ensuite il va revenir encore une autre fois, mais ce coup-ci pour faire son Hajj. Taïb. Ou alors, ça c'est le premier cas, ou alors le deuxième cas, il dit une personne donc qui a voyagé à Mecca avant les mois du Hajj. Avant les mois du Hajj. C'est-à-dire avant Shawwal. Par exemple Ramadan, mois du Ramadan ou avant encore. Cette personne-là donc, elle fait une umrah, wa ya'tamir. Tayyib. Et ensuite elle va rester à Mecca. Elle va rester à Mecca, elle ne repart pas. Par exemple, elle est venue durant le mois du Ramadan, elle a fait sa umrah, tayyib. Et ensuite elle est restée à Mecca jusqu'à que vient la période du Hajj. Et cette personne-là donc, elle a dans sa niya de faire le Hajj, le pèlerinage. Alors dans ce premier cas, et dans ce deuxième cas, pour la personne ou pour ces personnes-là, al-ifrad c'est le meilleur. Al-ifrad c'est le meilleur. Fahada al-ifrad lahu afdal bi-ittifaq al-a'immat al-arba'a. C'est-à-dire que ceci pour lui est le meilleur d'après l'unanimité des quatre imams, que ce soit l'imam Malik, l'imam Shafi'i, l'imam Ahmad ou l'imam Abu Hanifa, tous sont d'accord que pour cette personne-là qui fait donc deux voyages, il est le mieux pour lui qu'il fasse l'ifrat. Et qu'est-ce qu'al-ifrat? Bien entendu, c'est qu'il fasse le hajj en lui-même, c'est-à-dire qu'il ne fait pas avec le hajj de Umrah. Il ne fait pas avec le hajj de Umrah. Ensuite, il nous dit والإحرام بالحج قبل أشهره ليس مسنونا بل مكروه فإذا فعله فهل يصير محرما بعمرة أو بحج فيه نزاع. C'est-à-dire donc ici, comme le cheikh il nous a parlé donc du deuxième cas, de la personne pour qui ce qui est le mieux c'est l'ifrad, donc de faire le hajj seul, sans donc l'accompagner d'une umra, c'est ce qui est donc l'ifrad. On a vu que le deuxième cas, c'était la personne donc qui faisait donc une umra avant le début des mois du hajj, c'est-à-dire avant le début de Shawwal. Taïb. Et ensuite, il va nous dire donc, le shir à cette occasion, pour ce qui est de la personne qui va faire lui l'ihram pour le hajj. Donc on a bien vu, pour ne pas confondre. Ici, c'est une personne, elle n'a pas l'intention, lorsqu'elle fait son voyage, par exemple, durant le mois du Ramadan, pour faire sa umra, elle n'a pas l'intention, donc, après tout de suite, de faire son hajj. Taïb. Sinon, s'il avait l'intention de faire son hajj, alors son intention serait de repartir, de revenir. Donc elle rentrait dans ce cas-là, dans le premier cas. Ici, le deuxième cas, c'est bien une personne qui a d'abord dans son intention de faire une umra, par exemple pour le mois du Ramadan, et puis qu'ensuite, il lui a paru de rester, et qu'ensuite, elle veut faire donc son hajj. Taïb. Donc, ce qu'elle a contracté son ihram pour faire la umra durant le mois du Ramadan, c'était tout simplement une umra en elle-même, sans poursuivre sur le pèlerinage, donc sans l'intention du pèlerinage. C'est la différence. Par contre, ici, une personne qui, avant les mois du hajj, avant les mois du pèlerinage, donc avant le mois du Shawwal, qui ferait un ihram, qui contracterait donc un ihram avec sa niya de faire le pèlerinage. Donc ici c'est al-ihram bil hajj qabla ashhuri. Donc on voit bien le cas de figure. La personne veut faire le hajj et donc elle va se mettre en état d'ihram, elle va passer donc au niveau des al-mawaqit et à partir de là, elle va se mettre en état d'ihram pour le hajj. Et elle fait cela avant les mois du hajj. Par exemple, elle ferait cela pour le mois du Ramadan. Le mois du Ramadan, elle fait son ihram avec l'intention de faire le hajj, c'est-à-dire Ya tuhrim lil hajj. Il nous dit le shir, lesa masnouna bel makrou. Cela donc ne fait pas partie de la sunna. Bien au contraire, c'est même détestable de faire cela. C'est même détestable de faire cela. Pourquoi? Parce que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il nous a enseigné, c'est de faire son ihram pour le hajj durant les mois du hajj. C'est-à-dire en commençant du premier Shawwal. En commençant du premier Shawwal. À partir de là, à partir du premier de Shawwal, alors il nous est permis, et c'est une sunna donc, de faire notre ihram pour le hajj. Avant cela, c'est-à-dire le mois d'avant, que c'est le mois du Ramadan, ou alors le mois encore d'avant, etc., Sha'ban, etc., alors ce n'est pas la sunna de faire son ihram pour le hajj. C'est ça qu'il nous dit le shir. وَإِذَا فَعَلَهُ فَهَلْ يَصِيرُ مُحْرِمًا بِعُمْرَةٍ أَوْ بِحَجْ فِيهِ نِزَاعٍ. C'est-à-dire qu'à partir de là, si la personne elle faisait son ihram, malgré que c'est quelque chose qui est détestable dans la religion, comme il nous a dit le shir, est-ce qu'il va réellement devenir donc muhrim pour une umra ou alors pour le hajj? Fihi nizar. C'est-à-dire donc, est-ce qu'il va devenir muhrim et à partir de là, son ihram, ce sera uniquement pour qu'il fasse une umra? Bien entendu, une umra qui n'a rien à voir avec celle qu'on fait pour le hajj. Ou alors, est-ce qu'il va devenir muhrim pour le hajj? C'est-à-dire, malgré qu'il a fait un acte qui n'est pas légiféré dans la religion, est-ce qu'il deviendra malgré cela muhriman, il sera compté comme tel pour le hajj? Il nous dit le shir fihi nizar, c'est-à-dire qu'il y a une divergence chez les savants sans qu'ils rentrent dans les détails. Le shir, on laisse comme ça. À la kulli hal, la personne, elle s'attache à ce qui est légiféré, elle s'attache à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et lorsqu'elle veut faire donc son ihram pour le hajj, alors elle l'a fait durant les mois du hajj. Ensuite, il va passer, on va dire, au troisième cas de figure. Il va nous dire وَأَمَّا إِذَا فَعَلَ مَا يَفْعَلُ غَالِبُ النَّاسِ وَهُوَ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الْعُمْرَةِ وَالْحَجِّ فِي صَفْرَةٍ وَاحِدَةٍ وَيَقْدُمُ مَكَّةَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ وَهُنَّ شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة فهذا إن ساق الهدي فالقران أفضل له وإن لم يسق الهدي فالتحلل من إحرامه بعمرة أفضل فإنه قد ثبت بالنقول المستفيضة التي لم يختلف في صحتها أهل العلم بالحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما حج حجة الوداع هو وأصحابه أمرهم جميعهم أن يحلوا من إحرامهم ويجعلوها عمرة إلا من ساق الهدي فإنه أمره أن يبقى على إحرامه حتى يبلغ الهدي محلة يوم النحر وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد ساق الهدي هو وطائفة من أصحابه وقرن هو بين العمرة والحج فقال لبيك عمرة وحجا ولم يعتمر بعد الحج أحد ممن كان مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا عائشة وحدها لأنها كانت قد حاضت فلم يمكنها الطواف لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت. طيب. Donc le deuxième cas de figure, c'est celui, et il nous dit le cheikh, c'est ce que font la plupart des gens. Et même de nos jours, c'est ce que font la plupart des gens. C'est-à-dire donc qu'ils rassemblent la Umra et le Hajj en un seul voyage. Donc ils se présentent à Mecca durant les mois du Hajj. Et ici il va nous dire donc le Cheikh Shawwal ou Ibn Qiyada, wa ashrun min dhil Hijja. Donc on a vu donc auparavant qu'il y avait un irtilaf sur ce qu'étaient les mois du Hajj. On avait vu donc, comme l'imam Malik, Rahimallah, il disait c'était les trois mois complets, Dhil Hijjah complet, et on avait vu certains savants comme Al-Hanabila, et c'est l'avis ici du Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah, qui disait que pour ce qui était de Dhul Hijjah, le dernier mois, c'était les 10 premiers qui rentraient en compte uniquement. À la Kouliha, on a déjà parlé de cette divergence. Donc il nous dit le Cheikh, celui qui arrive à Mecca durant les mois du Hajj, alors qu'il a rassemblé entre la Umrah et le Hajj, pour un seul voyage, il nous dit فَإِنْ سَقَى الْهَدْيَ فَالْقِرَانُ أَفْضُلُ لَوْ. C'est-à-dire donc que si il conduit le sacrifice, donc l'animal qui va sacrifier, il nous dit فَالْقِرَانُ أَفْضُلُ لَوْ. C'est-à-dire donc الْقِرَانُ c'est le mieux pour lui. C'est le mieux pour lui. Par contre, si il n'est pas dans ce cas-là, c'est-à-dire s'il ne conduit pas le sacrifice, الْهَدْيَ alors at-tahallul min ihrami bi umratin afdal, c'est-à-dire donc ici at-tamattu', celui qu'on a vu au niveau de l'istilah et qui est connu. Donc ici at-tamattu' pour cette personne c'est le meilleur. Tayyib, c'est-à-dire également ici pour ce qui est de la plupart des gens de nos jours. La plupart des gens de nos jours ils ne conduisent pas donc le sacrifice. Donc ce qui est le mieux pour eux c'est at-tamattu'. Le mieux pour eux c'est at-tamattu'. C'est ça l'afdal. Tayyib pour ceux bien entendu qui font un seul voyage. Pour ceux qui font un seul voyage. Et pour ce qui est, à titre d'exemple, du cas des gens d'Europe, on sait que la plupart, donc, pour pas dire tous, ils font un seul voyage pour le Hajj. Ils rassemblent la Umra et le Hajj. Pour eux, le mieux, c'est Atamattu. Hada wa l'afdal. Et il nous dit le Cheikh, ensuite, que ce qui a été attesté et dont il y a eu beaucoup, beaucoup de versions à ce propos, pour dire donc qu'il n'y a même pas de doute par rapport à ce qui nous a été retransmis, et que personne parmi les gens de science du hadith ont divergé, donc il n'y a eu aucune divergence pour ce qui est de son authenticité, de ce khabar, de cette information auprès des gens de science du hadith, des gens spécialisés dans le hadith, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a fait son hajj, bien entendu hajjat al-wada, son pèlerinage à Dieu, huwa wa ashabu, également donc ses compagnons, il leur a ordonné tous an yuhillu min ihramihim, c'est-à-dire une fois qu'ils ont fini leur umra, donc de se désacraliser. An yuhillu min ihramihim. Et on sait que lorsqu'on se désacralise après qu'on ait fait la umra, en attendant le hajj, c'est ici donc atamattu'. C'est donc ici atamattu'. Wa yaj'aluha umratan illa man saqa al-hadi. C'est-à-dire donc ce qu'ils ont fait, ça sera considéré comme une umra. Le tawaf, le sa'i, ça sera considéré comme une umra. Et après donc cette umra, yatahallaloun, donc ils se désacralisent. Et donc ça deviendra pour eux tamattu'. Et c'est ce qui était le mieux pour eux et pour tous ceux donc qui sont dans leur cas. Par contre, pour celui qui a bien entendu conduit le sacrifice, alors il leur a ordonné le prophète sallallahu alayhi wa sallam de rester dans leur état de sacralisation. dans le ihram, hatta yablugha al-hadya mahalla yawm an-nahar, jusqu'à donc que le sacrifice il atteigne son point d'arrivée, et bien entendu qui est le jour du sacrifice, yawm an-nahar, le jour donc de l'égorgement. Et on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, il conduisait son sacrifice, lui et une partie des compagnons. Et donc, lui, il ne s'est pas désacralisé, ainsi que ceux qui étaient avec lui et qui ont conduit, tout comme lui, leur sacrifice. وَقَرَنَهُ وَبَيْنَ الْعُمْرَةِ وَالْحَجِّ فَقَالَ لَبَيْكَ عُمْرَةَ وَحَجًا. Donc, وَلَبَّ, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a fait son appel, ou répondu à son appel, et il a dit لَبَيْكَ عُمْرَةً وَحَجًا. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ceux qui étaient dans son cas, ils ont fait leur umrah, tayyib, et après qu'ils ont fini leur umrah, ils ont fait leur hajj, sans qu'entre les deux, ils se désacralisent. Et c'est ça, al-qiran. C'est ça donc al-qiran. Mais c'est également ce qu'on appelle al-tamattu', comme cela est venu dans le Coran, comme cela est venu dans la sunnah, et comme cela est venu dans la parole des sahaba, comme on l'a vu dans le cours précédent. Ça a été le cas du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc maintenant les choses elles sont claires. Pour celui qui a fait deux voyages, le mieux pour lui c'est Al-Ifrad, c'est-à-dire qu'il fait un voyage pour la Umrah, qu'ensuite qu'il repart et qu'il fait un autre voyage pour le Hajj, alors pour lui le meilleur c'est Al-Ifrad. Ou alors celui qui a fait un voyage et qui a fait donc sa Umrah avant les mois du pèlerinage et qu'ensuite il est resté à Mecca, alors pour lui également Al-Ifrad c'est le meilleur. Ensuite, pour la personne qui fait un seul voyage et qui va rassembler la Umrah et le Hajj, pour lui, si il ne conduit pas le sacrifice, le mieux pour lui c'est At-Tamattu'. S'il conduit bien entendu le sacrifice, alors pour lui c'est Al-Qiran. Donc on voit ici les trois formes du pèlerinage et dans quel cas ils sont les meilleurs suivant l'état des gens. Et il nous dit le shir, rahimahullah, que personne n'a fait la Umrah après le Hajj parmi ceux qui étaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sauf une seule personne, et qui était Aïcha, la femme du prophète, la mère des croyants, Aïcha radiyallahu ta'ala anha. Il nous dit وَلَمْ يَعْتَمِرْ بَعْدَ الْحَجِّ أَحَدٌ مِمَّنْ كَانَ مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا عَائِشَةَ وَحْدَهَا لِأَنَّهَا كَانَتْ قَدْ حَاضَتْ فَلَمْ يُمْكِنْهَا الطَّوَافُ. C'est-à-dire quelle était la cause de ce retard pour ce qui est de la Umrah, c'est tout simplement Aïcha radiyallahu ta'ala anha, elle a eu ses menstrues et donc elle n'a pas pu faire un tawaf. Et lorsqu'elle n'a pas pu faire donc le tawaf, elle a été obligée donc de retarder sa Umrah. Pourquoi? Parce qu'on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith qui nous rapporte le shir, rahimahullah, qui est un hadith authentique rapporté par l'imam al-Bukhari, dans son sahih, un hadith Aïcha, qui nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, taqdi al-ha'idhu al-manasika kullaha illa al-tawaf bil-bayt. C'est-à-dire que celle qui a ses menstrues, la femme qui a ses menstrues, elle fait tous les rites du pèlerinage, tous, sauf un, et qui est at-tawaf bil bayt, c'est-à-dire elle n'a pas le droit de tourner autour de la maison sacrée, de faire at-tawaf. C'est la seule chose qui lui est interdite de faire à la personne qui est en état, à la femme qui est en état de monstrueux. Sinon elle fait tout le reste. Et donc elle va retarder at-tawaf, elle retarde donc son tawaf jusqu'à qu'elle se purifie. Fa'amaraha an tuhilla bil hajji wa tad'a af'al al-umra. Donc il lui a ordonné le prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce moment-là, lorsque elle était dans cette situation, an tuhilla bil hajj, c'est-à-dire de commencer par le hajj et de délaisser les actes de la umra, les actions de la umra. Wa tad'a af'al al-umra li'anna kanat mutamatti'a. Pourquoi? Parce qu'elle, elle était en état de tamattu', Aïcha. Tayyib. ثم إنها طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعمرها فأرسلها مع أخيها عبد الرحمن فاعتمرت من التنعيم والتنعيم هو أقرب الحل إلى مكة وبه اليوم المساجد التي تسمى مساجد عائشة ولم تكن هذه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإنما بنيت بعد ذلك علامة على المكان أو علامة على المكان الذي أحرمت منه عائشة. Donc pour ce qui était de Aïcha qui était mutamattia et qui n'a pas pu faire donc le tawaf parce qu'elle avait ses règles, ses menstrues, et donc de retarder également sa umra, alors elle a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam ensuite, après avoir donc fait tous les rites du pèlerinage, de faire sa umra après donc le pèlerinage ici, et c'est donc c'était la seule personne qui a fait cela. Et on sait pourquoi donc, quelle en était la cause ici, Udhr, une cause. Et qu'est-ce qu'il a fait le prophète Islam? Il l'a donc envoyé avec son frère Abdurrahman, radiallahu ta'ala anhu. Et il l'a donc envoyé pour qu'il l'accompagne, accompagne donc sa sœur, jusqu'à At-Tan'im, ce qu'on appelle donc At-Tan'im. Pourquoi on l'appelle At-Tan'im? Car il y a à cet endroit, à sa droite, Jebel, c'est-à-dire donc une montagne, que l'on appelle Na'im. Et à une autre, à sa gauche, il y a également une montagne qu'on appelle Na'im. Ici, le Madda, Na'im. Et la plaine qui est donc entre les deux, on appelle ça Ni'man. C'est pour ça qu'on l'appelait donc At-Tan'im. On appelait cela At-Tan'im. Et il nous dit le shir At-Tan'im wa aqrabu al-hill ila Mekka. C'est-à-dire, c'est la partie la plus proche qui donc sort du haram, des limites du haram, et donc on rentre dans ce qu'on appelle le contraire du al-haram, c'est al-hil. À chaque fois qu'on dit al-haram, son contraire c'est al-hil, donc c'est l'endroit qui n'est pas sacré, donc on sort des limites du haram, et l'endroit le plus proche qui sort des limites du haram c'est at-tan'im, comme il dit le shir wa aqrabu al-hil ila Mekka. Pourquoi cela? Parce que la personne qui veut faire un umrah, qui se trouve à Mekka et qui veut faire un umrah, elle est obligée de sortir des limites de Mekka et donc de rentrer dans ce qu'on appelle Al-Hil pour ensuite faire son Ihram et ensuite rentrer à Mekka. Taïb. Donc ça serait le cas ici d'une personne qui resterait à Mekka, qui est Muqim à Mekka, qui reste donc à Mekka, il veut faire une Umrah, donc lui il a à faire cela. Il faut bien faire donc ici la différence. Il faut bien faire ici la différence. C'est pas comme le pèlerinage. Si la personne elle reste pour faire son pèlerinage, c'est-à-dire elle est résidente à ce moment-là à Mekka, on va prendre un exemple, la personne qui a fait une umrah durant le mois du Ramadan et qu'ensuite qui est resté à Mekka, on a dit pour lui le mieux c'était l'ifrat, comme l'a dit Charles Islam, sans l'accompagner de umrah, donc il reste jusqu'à le hajj. Cette personne-là, d'où elle fait son ihram pour le hajj, elle le fait à l'endroit où elle se trouve à Mekka, elle le fait à l'endroit où elle se trouve à Mekka. Taïb, ça c'est pour le hajj. Par contre pour l'umra, si une personne elle voulait faire un umra, alors à ce moment là l'umra c'est différent, il faut qu'elle sorte du haram, des limitations du haram, pour aller dans le hil et ensuite elle rentre pour faire sa umra. Et l'endroit le plus proche c'est là où a été Aïcha accompagnée de son frère et qu'on appelle At-Tan'im. Et nous dit que de nos jours il y a des mosquées qui ont été construites et ces mosquées on les appelle les mosquées Aïcha, Masajid ou Aïcha. Et il nous dit qu'elles n'étaient pas présentes au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais elles ont été ensuite construites pour que ce soit en fait comme un emblème ou un repère de ce lieu où Aïcha radiallahu ta'ala anha s'est mis en état d'ihram. Ensuite il dit وَلَيْسَ دُخُولُ هَذِي الْمَسَاجِدِ وَلَا الصَّلَاةَ فِيهَا لِمَنْ اِشْتَازَ بِهَا مُحْرِمًا لَا فَرْضًا وَلَا سُنًّا بَلْ قَصْدُ ذَلِكَ وَيَعْتِقَادُ أَنَّهُ يُسْتَحَبْ بدعة مكروهة لكن من خرج من مكة ليعتمر فإنه إذا دخل واحدا منها وصلى فيه لأجل الإحرام فلا بأس بذلك. Ici le cheikh nous fait une précision. Naam, il nous dit le cheikh que le fait de rentrer dans une de ces mosquées, lorsqu'on va sortir pour se mettre en état d'ihram, on va sortir de Mekka pour aller à cet endroit pour se mettre en état d'ihram et ensuite revenir à Mekka, il nous dit le cheikh pour la personne donc qui se trouve là-bas, ce n'est pas une sunna pour lui. Ce n'est pas obligatoire et c'est même pas une sunna de rentrer dans une de ces mosquées et de prier, dedans, de faire deux unités de prière ou autre. Taïb. Il nous dit même, celui qui fait cela avec une intention, que c'est une sunna ou alors que c'est obligatoire, ou alors qu'il a la croyance que cela est mustahab, que cela donc Et bien, surérogatoire, il nous dit, ça entre même dans la bid'a, ça entre même dans l'innovation. Par contre, pour celui qui est sorti de Mecca, pour faire sa umrah, et qui rentre dedans, dans cette mosquée, pour prier, li'ajli ihram, pour l'ihram, certaines personnes appellent raq'ata l'ihram, c'est-à-dire les deux unités de prière de l'ihram, il dit, falabasa bidalik. Il n'y a pas de mal par rapport à cela. Pour ceux donc qui font cela pour les deux raq'a de l'ihram. On va revenir pour ce qui est de ces deux raq'a de l'ihram. Est-ce qu'elles sont spécifiques à l'ihram ou pas? On va revenir à cette question-là. À la kulli hal, ici nous dit le shir que la personne, si elle fait cela, li'ajli l'ihram, fala ba'sa bidhalik, il n'y a pas de mal pour cela. Par contre, on voit bien la différence. Il l'a fait pourquoi? Pour l'ihram. Ces deux raq'a qu'il a fait après qu'il s'est mis en état d'ihram, il n'y a pas de mal. Par contre, s'il fait ça, pour ce qui est du lieu, que c'est mustahab de prier dans ce lieu-là ou dans cette mosquée-là, tu rentres dans la bid'a. Il faut bien faire la différence entre les deux. Ensuite, le shir, il va nous dire وَلَمْ يَكُنْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَخُلَفَائِهِ الرَّاشِدِينَ أَحَدٌ يَخْرُجُ مِنْ مَكَّةَ لِيَعْتَمِرَ إِلَى لِعُذْرٍ لَا فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِ رَمَضَانَ وَالَّذِينَ حَجُّوا مَعَ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَيْسَ فِيهِمْ مَنْ يَعْتَمَرَ بَعْدَ الْحَجِّ ليس فيهم من اعتمر بعد الحج من مكة إلا عائشة كما ذكر. Donc il nous dit le shir qu'il n'y a eu personne du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam et également du temps des califes bien guidés, il n'y a eu personne qui est sorti de Mecca donc pour aller à cet endroit et ensuite revenir à Mecca pour faire une umrah. Illa li'udhr, sauf s'il y a une cause bien précise. Illa li'udhr. La fi Ramadan, voilà fi ghayri Ramadan, c'est-à-dire que ce soit durant le mois du Ramadan ou alors que ce soit en dehors du mois du Ramadan. Et il nous dit, ceux qui ont fait le pèlerinage avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a eu personne qui a fait sa umrah après le Hajj. Sauf Aïcha, bien entendu après le Hajj, mais Mecca, depuis Mecca. Sauf Aïcha, comme cela a été déjà précisé. Wala kana hadha min fi'l al-khulafa ar-rashidin walladhina istahabbu al-ifrada min as-sahaba. إنما استحبوا أن يحج في سفرة ويعتمر في أخرى ولم يستحبوا أن يحج ويعتمر عقب ذلك عمرة مكية بل هذا لم يكونوا يفعلونه قط اللهم إلا أن يكون شيئا نادرا وقد تنازع السلف في هذا هل يكون متمتعا عليه دم أم لا وهل تجزي هذه العمرة عن العمرة الإسلام عن عمرة الإسلام أم لا. Donc, le shir va insister sur cette question et il va dire que personne donc, parmi les compagnons, donc ceux qui étaient présents avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont fait une umrah après le hajj. Personne. Sauf, comme il a dit, Aïcha. Il nous a rappelé, pour ce qui était de l'acte des califes bien guidés et ceux qui ont préféré donc Calif Rad, parmi les sahaba, ils ont préféré, eux, comme on l'a vu donc au départ, dans les quatre figures que nous a cité Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, ils ont préféré donc, eux, faire un pèlerinage durant un voyage et ensuite une umrah durant un autre voyage, lorsqu'ils ont donc voyagé une nouvelle fois. Taïb. Par contre, ils n'ont pas préféré de faire un pèlerinage et ensuite une umrah, c'est-à-dire une umrah tout de suite après le pèlerinage, et ce qu'on appelle donc umratun mekkiya. On les appelle comme ça umratun mekkiya. Parce qu'ils sortent donc, les gens, beaucoup de gens ils font ça. Après une fois qu'ils ont fait leur pèlerinage, ils veulent faire encore des umrah. On voit qu'il y en a, ils en font même plusieurs. C'est-à-dire donc à chaque fois ils sortent à Tanaim, et ils reviennent donc en état d'ihram, et ils font leur umrah. Taïb. Donc en réalité le shir, tout simplement il est en train de nous citer, en s'appuyant sur le fait des sahaba, que personne ne faisait cela. Et que s'ils faisaient donc une umrah après le hajj, c'était après qu'il y a eu un voyage. C'est-à-dire qu'ils sont retournés dans leur contrée, et ensuite ils ont voyagé une nouvelle fois après le hajj. Lorsqu'ils sont arrivés à Mecca, ils ont fait bien entendu une umrah. Sauf dans ce cas-là. Sinon, lorsqu'ils restaient à Mecca après le hajj, personne d'entre eux n'a fait la umrah. Il nous dit le shir, illa an yakuna shay'an nadiran. Sauf quelque chose qui est plus que rare, très très rare. Donc on va comprendre à partir de là, c'est qu'il ne fasse pas de umrah après le hajj. C'est qu'il ne fasse pas de umrah après qu'il ait fini son hajj. Et qu'il en reste donc à ses actes du hajj qu'il a fait. Même s'il reste une longue période à Mecca. et que le mieux pour lui, s'il veut faire ensuite une Umrah, c'est donc à Safar, lorsqu'il rentre chez lui et ensuite il repartira pour une Umrah. Par contre, rester à Mecca et ensuite, après le Hajj, ensuite faire des Umrah, le Cheikh tout simplement nous dit que cela donc n'est vraiment pas préférable, en s'appuyant sur l'acte de nos salafs, et plus particulièrement ici à Sahaba. Ensuite, le Cheikh va faire une allusion à un irtilaf qu'il y a, وَقَدْ تَنَازَعَ السَّلَفُ فِي هَذَا هَلْ يَكُنْ مُتَمَتِّعًا عَلَيْهِ دَمْ أَمْ لَا. C'est la personne qui va inverser. On sait que la Umrah, on la fait toujours avant le Hajj. Ça, c'est pour la Umrah qui est accompagnée avec le Hajj. Tayyib, la Umrah qui est accompagnée avec le Hajj. Que ce soit donc Al-Qiran ou que ce soit Tamattur, on fait la Umrah en premier, ensuite on fait le Hajj. Ici donc, ce qu'on comprend de la parole du Cheikh al-Islam, وَقَدْ تَنَازَعَ السَّلَفُ فِي هَذَا هَلْ يَكُنْ مُتَمَتِّعًا عَلَيْهِ دَمْ أَمْ لَا. Pour une personne donc qui aurait inversé, après avoir fait le Hajj, il fait sa Umrah. Comme l'a fait Aïcha, sauf que Aïcha, dans ce cas-là, c'était la seule qui a fait parmi ceux qui étaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on a dit les udhrin, pour une cause, parce qu'elle avait ses monstres. Tayyib, il nous dit pour la personne donc qui ne va pas avoir de cause. S'il fait cela, هَلْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَمْ أَمْ لَا. Est-ce que donc il doit égorger en compensation ou pas? Ici, irtilaf. À la kulli hal, le shir, il nous rappelle cela. Et le deuxième irtilaf qu'il nous rappelle, c'est est-ce que la personne qui va faire cette umrah, tayyib, est-ce qu'elle peut être comptée comme la umrah de l'islam, sachant que la umrah, une fois dans la vie, elle est obligatoire pour la personne. Est-ce qu'elle va être comptée ou pas? Également, c'est un irtilaf chez les savants. Et ça, on l'avait déjà cité auparavant. Ensuite, il nous dit وَقَدْ يَعْتَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بَعْدَ هِجْرَةِ أَرْبَعَ عُمَرَ. C'est-à-dire donc qu'il a fait 4 umrah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après sa hijra. Après qu'il a fait la hijra à Médine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait 4 umrah. Et c'est ce qu'il va nous citer ici, le shir, rahmatullah alayhi. يقول عُمْرَةُ الْحُدَيْبِيَةِ وَصَلَ إِلَى الْحُدَيْبِيَةِ والحديبية وراء الجبل الذي بالتنعيم عند مساجد عائشة عن يمينك وأنت داخل إلى مكة. La première, c'est celle qui dit عمرة الحديبية, la عمرة de الحديبية. Et الحديبية, comme nous cite le Cheikh, c'est derrière la montagne que l'on trouve à Tanaim, donc le lieu à Tanaim, là où il y a donc les mosquées à Aïcha. Elles sont à ta droite lorsque tu rentres à Mecca. Tu es en direction de Mecca, tu diriges à Mecca, elles sont à ta droite. La montagne qui est à ta droite. فصدّه المشركون عن البيت فصالحهم وحل من إحرامه وانصرف. Et on sait donc ce qui s'est passé lorsque les polythéistes, durant Surh al-Hudaybiyah, donc cet endroit-là, al-Hudaybiyah, lorsque les mushrikoun ont empêché le prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire sa umrah. Et qu'il y a eu ensuite As-Sulh, donc il y a eu le pacte qui a été contracté entre les musulmans et entre les polythéistes. Et tout le monde connaît, pour ceux qui ont étudié la sirah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout le monde sait ce qui s'est passé ce jour-là. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vu qu'il n'a pu terminer sa umrah, car il était empêché par un mushrikoun, halla min ihramihi, c'est-à-dire qu'il s'est désacralisé. Il est retourné sallallahu alayhi wa sallam. C'est considéré comme une umrah même si elle n'a pas été faite totalement. Wa umratu al-qadiyya i'tamara min al-'am al-qabil, l'année suivante le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a fait sa umrah, donc cette fois totalement. Et c'est ce qu'on a appelé wa umratu al-qadiyya, donc une année après ce qui s'était passé à al-Hudaybiyah. وَعُمْرَةُ الْجُعُرَّانَةِ الْجُعُرَّانَةِ. Certains disent الْجِعَرَّانَةِ à la كل حال, soit avec le كسرة ou soit avec le ضمة. وَعُمْرَةُ الْجُعَرَّانَةِ فَإِنَّهُ كَانَ قَدْ قَاتَلَ الْمُشْرِكِينَ بِحُنَيْنِ وَحُنَيْنُ مِنْ نَاحِيَةِ الْمَشْرِقِ مِنْ نَاحِيَةِ الطَّائِفِ وَأَمَّا بَدْرُ فَهِيَ بَيْنَ الْمَدِينَةِ وَبَيْنَ مَكَّةَ وَبَيْنَ الْغَزْوَتَيْنِ 6 سِنِينَ وَلَكِنْ قُرِنَتَا فِي الذِّكْرِ لأن الله تعالى أنزل فيهما الملائكة لنصر النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين في القتال ثم ذهب فحاصر المشركين بالطائف ثم رجع وقسم غنائم حنين بالجعرانة فلما قسم غنائم حنين اعتمر من الجعرانة داخلا الى مكه لا خارجا منها للاحرام. Et donc la troisième, c'est ce qu'on appelle donc umratu al-ju'arrana. Donc al-ju'arrana qui est un endroit également, l'endroit où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réparti le butin qu'ils ont acquéri lorsqu'ils ont combattu les polythéistes de Hunayn. Et Hunayn, bien entendu, ça se trouve du côté de l'Orient, du côté de Taif. Par contre, Badr, bien entendu, elle se trouve entre Al-Médina et Mekka. Et entre les deux, entre ces deux rasoirs, il y a eu six années. Six années. Entre ces deux rasoirs, il y a eu six années. Entre Hunayn et entre Badr. Yani Razwatu Hunayn ou Razwatu Badr, il y a eu six ans. Parce qu'on sait que Razwatu Badr, c'était en l'an 2 de l'Hijra. En l'an 2 de l'Hijra. Par contre, Razwatu Hunayn, c'était en l'an Thamina, c'est-à-dire en l'an 8 de l'Hijra. Et donc, Ba'fath Mekka. Après donc que Mekka fut ouverte. Et le shir ici est en train de nous parler de Al-Umrah. Cette Umrah qui s'est fait donc une fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a partagé le butin. Ensuite il a fait son ihram en partant de Ju'arrana et il est parti donc en direction de Mecca et il a fait sa Umrah. C'était la troisième Umrah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il nous dit le shir pourquoi ici lorsqu'il a parlé de Hunayn et de la bataille, pourquoi il a parlé également de Badr. Tout simplement la cause de ce rapprochement entre ces deux batailles, nous dit, c'est que durant ces deux batailles, Allah Azza wa Jalla, il a fait descendre ses anges pour secourir le prophète sur salam et les croyants durant le combat qu'il donnait contre les polythéistes, les ennemis de l'islam. Et c'est pour ça que dans le sahih de l'imam al-Bukhari, il nous rappelle un hadith où Jibril il est venu voir le prophète sur salam. Il lui a dit Ma ta'uddun ahl Badr fikum, c'est-à-dire comment comptez-vous les gens de Badr parmi vous, yani quelle place vous leur donnez, comment vous les considérez. Et le prophète sallam il a dit min afdal al-muslimin, ce sont les meilleurs des musulmans, ou parmi les meilleurs des musulmans, min afdal al-muslimin, ceux qui ont combattu à Badr. Et on sait et on a étudié la place des gens de Badr parmi les sahaba lorsqu'on a vu le chapitre concernant les sahaba, les compagnons, à travers le livre des repères de la sunna. Et on se rappelle donc de leur position, Al-Badr. Et qu'est-ce qu'il a répondu à ce moment-là, Jibril? Il a dit, « وَكَذَلِكَ مَنْ شَهِدَهَا مِنَ الْمَلَائِكَ » C'est-à-dire de même, parmi les anges, ceux qui ont combattu à Badr, on les considère de même, comme vous, les musulmans, vous considérez que ce sont les meilleurs, parmi les meilleurs d'entre vous, de même nous, ceux qui ont combattu parmi les anges à Badr, on les considère parmi nous comme les meilleurs, ou parmi les meilleurs. Et pour ce qui est de Hunayn, de même pour ce qui est de Hunayn, et pour ce qui est du verset de la bataille de Hunayn, ce verset qui fait surat Tawbah, qui est le verset 25 et 26, où Allah Azza wa Jalla yaqul wa yawma Hunayn إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وأنزل جنودا لم تروها. Et donc dans ce verset que nous rappelle l'imam al-Qurtubi, وأنزل جنودا لم تروها, donc il vous a été نعم, Allah vous a déjà secouru en maint endroit. Et rappelez-vous le jour de Hunayn, quand vous étiez fiers de votre grand nom, et que cela ne vous a servi à rien. La terre, malgré son étendue, vous devint bien étroite. Puis vous avez tourné le dos en fuyard. Puis Allah fit descendre sa quiétude, sa kina, sur son messager, sur les croyants. Il fit descendre des troupes que vous ne voyez pas. Que vous ne voyez pas. Donc des troupes, des armées, anzala junudan lam tarawha, et donc ce sont al-malaika. Il nous dit donc l'imam al-Qurtubi, wa hum al-malaika, C'est-à-dire que ce jour-là, les malaïka sont venus sur ordre d'Allah Azzawajal et ils ont appuyé les croyants en leur insufflant donc dans leur cœur bima yulquna fi qulubihim bitathbit, donc ils les ont renfermés pour ce qui est du qital. Wa yud'ifuna al-kafirin bitajbin lahum min haythu la yarawnahum wa min ghayri qital li'anna al-malaika lam tuqatil illa yawm badr. Et donc pour ce qui était des al-mushrikun, les polythéistes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les anges, ils leur ont donc insufflé la peur, ils leur ont insufflé le découragement, etc. Pourquoi? Parce qu'il nous précise ici l'imam al-Qurtubi que les al-malaika, ils ont simplement combattu une seule fois et c'était Yawm Badr, la bataille de Badr. Par contre, la bataille de Hunayn, ils n'ont pas combattu. Mais leur devoir, c'était donc d'insuffler et d'assister les croyants dans leur combat. Ils les auront raffermis dans leur combat, sans combattre directement. Contrairement donc à Badr, là où ils ont combattu. Donc c'est les deux fois où les anges, ils ont été envoyés pour renforcer, d'une manière ou d'une autre, pour renforcer donc les croyants, que ce soit à Badr et que ce soit à Hunayn. C'est pour ça donc que le Shir, il a fait le parallèle entre les deux. Pour revenir donc au Umrah que le prophète Sallam il a fait, ça c'était la troisième. Ensuite, pour ce qui est de la quatrième, « Wal Umratu Rabi'a ma hajjatihi fa'innahu qarana bayna al-umrati wal-hajj bittifaqi ahli al-ma'rifati bisunnati wa bittifaqi al-sahaba ala dhalik wa lam yanqulan ahadi min al-sahaba annahu tamatta'a tamattu'an halla fih بل كانوا يسمون القران تمتعا ولا نقل عن احد من الصحابه انه لما قرن طاف طوافين وسعى سعيا وعامه المنقول عن الصحابه في صفه حجتي ليست بمختلفه وانما اشتبهت على من لم يعرف مرادهم وجميع الصحابه الذي نقل عنهم انه افرد الحج او الذي نقل عنهم انه افرد الحج كعائشه وابن عمر وجابر قالوا إنه تمتع بالعمرة للحج فقد ثبت في الصحيحين عن عائشة وابن عمر بإسناد أصح من إسناد الإفراد ومرادهم بالتمتع القران كما ثبت ذلك في الصحاح أيضا. Donc le shir nous rappelle ici pour ce qui est de la quatrième umra, c'est la umra qu'il a fait avec son le hajj, c'est-à-dire le hajj, le pèlerinage d'Adieu. Il a fait donc une umra, le prophète sallam, et il nous rappelle ici comme cela et la parole de tous les sahaba, Tayyib, et les chaînes de transmission les plus sûres et les plus fortes, qui nous précisent donc que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a bel et bien fait sa umra et son hajj, mais il l'a fait donc sous la forme du qiran, car comme on l'a vu, il a accompagné ou il a conduit le sacrifice, et donc il a fait lui le qiran, c'est-à-dire qu'il ne sait pas désacralisé après sa umra, il a continué donc d'être sacralisé et il a fini ensuite son hajj, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tayyib, donc c'est ce qui est retenu ici, la parole, les paroles que nous cite le shir, c'est ce qui est retenu ici de par les gens de science et de par ce qui nous a été retransmis des compagnons et de par donc ces chaînes de transmission que l'on retrouve dans les authentiques. Et également, il va citer un point, le shir, rahimullah, qui est important. نعم ولا نقل عن احد من الصحابه انه لما قرن طاف طوافين وسعى سعيا. C'est-à-dire donc que la personne qui fait le Qiran, comme cela a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui fait donc sa umra et son hajj sans se désacraliser entre les deux, cette personne là elle fait un seul tawaf et elle fait un seul sa'y. C'est également ici une différence qu'il y a entre le Qiran et le tamattu'. Pour celui qui est mutamattir et qui va donc se désacraliser après sa umra, lui donc il va faire bel et bien son tawaf durant sa umra et son sa'i durant sa umra, et ensuite il va refaire encore le tawaf durant le hajj, il va refaire encore un sa'i durant le hajj. C'est ici la différence. Wallahu a'lam. Taïb, on va s'arrêter ici. Pourquoi? Parce qu'après il y a une question, et cette question là c'est en fait un autre chapitre parce que c'est facile, qu'on expliquera donc le prochain cours bi'idnillah, donc vendredi prochain inshallah. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.